Depuis que j'ai appris à écrire, j'ai toujours manié la plume. L'écriture, je suis dedans, un peu comme l'épée dans l'enclume. Quand j'écris, ça me libère, quand j'écris, ça me soulage. Moi, j'esquive Lucifer, car mes mots remplacent ma rage. Je vais dire à tous ces gens que je suis pas là pour leur plaire, que je serai pas pour faire de l'argent, que je suis pas là pour faire carrière. Que si je voulais me donner un genre, je ferais payer tous mes albums, que j'insulterais la France entière. Mais moi, je suis pas comme ça, bonhomme. Ce que ma bouche ne dit pas, mon stylo le retranscrit. Je fais péter mes amygdales quand devant le micro, je crie. Et j'écris, c'est pour mon cœur, et parfois pour tes tympans. J'ai passé l'âge de tes conneries, photo j'ai bientôt 20 ans. J'écris pour ceux qui vont entendre, ou pour ceux qui vont comprendre. Ceux qui savent ce qu'il y a dans ma tête, ceux qui savent comment me prendre. Ouais, j'écris et j'appréhende, j'écris sans plus attendre. Et aussi pour me détendre, j'écris, mais j'éteins pas les cendres. J'écris, c'est ce que je pense, c'est mes cris, y'a qu'un sens. Et j'assume tout ce que je dis, c'est ma plume, c'est ma vie. J'écris, c'est ce que je pense, c'est mes cris, y'a qu'un sens. Et j'assume tout ce que je dis, c'est ma plume, c'est ma vie. L'écriture, une maladie dont les symptômes sont pas connus. L'écriture, une thérapie que j'ai pas vraiment voulu. Quand j'écris, me dérange pas, j'ai besoin de solitude. Quand j'écris, je suis plus là, j'ai déjà pris de l'altitude. Mes premiers textes sur papier, c'était au début du collège. Dans le rap, j'avais papier et j'avais pas encore de collègues. Maintenant, c'est différent, car je suis plus sur le banc de touche. J'ai usé pas mal de feuilles et des dizaines de cartouches. J'écris, je fais du rap, car les deux sont compatibles. Mais je suis pas un petit bouffon qui tire alors qu'ils n'ont pas de cible. L'écriture m'empêche de montrer mon côté sombre et l'écriture aide à fouiller dans les décombres. Allez, j'avoue, je suis lunatique, je change d'état toutes les deux heures. Viens voir ma haine sympathique, la frénésie de ma douceur. Écrire, c'est une arme plus puissante qu'un coup de poing. Y'a des lettres qui font des mots, qui font des phrases, qui permettent de faire le point. J'écris, c'est ce que je pense, c'est mes cris, y'a qu'un sens. Et j'assume tout ce que je dis, c'est ma plume, c'est ma vie. J'écris, c'est ce que